es en train de te préparer en effet. Na kwamba uko najitayarisha kikweli. Parce qu'il faut pas rater. Maana haiombe ukose. De rencontrer le Seigneur. Kumkutana Bwana. Tu peux tout rater. Unaweza kosa yote. Sur la terre. Duniani. Mais ne rate pas. Lakini usikose. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit. Mtu mmoja akasema. La parole de Dieu déclare. Neno la Mungu lasema. Que sert-il à l'homme? Yamfalia nini mwanadamu? De gagner le monde entier. Apate dunia nzima. S'il perdait son âme. Lakini akipoteza nafsi yake. S'il perd son âme. Kama anapoteza nafsi yake. Ne perd pas ton âme. Usipoteze nafsi yako. Sois prêt. Uwe tayari. À rencontrer. Kukutana. Le Seigneur. Bwana. Et le vendredi dernier. Siku ya tano iliyopita. Je voudrais juste vous rappeler ce que nous avons partagé. Nipenda niwakumbushe tu tuliyoizungumzia. Nous avons partagé sur le sens et la réalité de l'enlèvement et de l'avènement. Tuliweza kuzungumzia nini maana ya kunyakuliwa kwa kanisa na siku ya Bwana. Et nous avons partagé ensuite na baadaye tukazungumza sur les événements majeurs. Juu ya matukio kubwa. Précurseur ou indicateur ambao inatangulia ama inayoonyesha de, la de l'enlèvement de l'église ya kwamba kunyakuliwa kwa kanisa inakaribia. Et nous avons vu là dedans na humo ndani tuliona quelques cinq indicateurs. Tuliona vitambulisho tano. Le premier ya kwanza qui a eu lieu déjà depuis le premier siècle ambao uliweza kupitikana kwa karne ya kwanza. Ou il est écrit, il est venu pour le sien. Jean 1, 11. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il s'est tourné vers les nations. C'est-à-dire, premièrement, la mise de côté du peuple d'Israël et la dispensation de la grâce ouverte aux nations. Ensuite, à l'an 70, comme prophétisé par Jésus lui-même, kama vile Yesu Kristo yeye mwenyewe il a annoncé alitabiri, akasema, que ce temple que vous voyez, ces murs, ces choses que vous voyez, ya kwamba hekalu hili, ne restera pierre sur pierre. Kuta hizi mnazoziona hazitabaki jiwe juu lingine. Et à l'an 70, na kwa mwaka wa 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Hekalu la Yerusalemu lilibomolewa. Jérusalem a été détruit. Yerusalem ikabomolewa. Et le peuple a été dispersé dans le monde. Na taifa likasambazwa ulimwenguni nzima. Jusqu'à récemment. Mpaka wakati uliopita. Et c'est le troisième indicateur. Na inakuwa kitambulisho cha tatu. Que la Bible appelle la floraison du figuier. Ambao Biblia inasema ya kwamba kuota majani kwa mtini. Ou la renaissance d'Israël. Ama kuzaliwa upya kwa taifa la Israeli. 1948. Kwa mwaka wa 1948. La nation d'Israël. Wakati taifa la Israeli. A réapparu. Liliweza kuonekana upya. À sa place. Kwa nafasi yake. Et nous avons vu quatrièmement. Na tuliona ya ine. Comme indicateur, kama vile les préparatifs très avancés ni matayarisho ambayo yanasonga mbele de la mise à place ya kuwekwa du gouvernement mondial kwa serikali ya ulimwengu nzima qui va servir ambayo itatumia à l'antichrist mpinga Kristo pour diriger le monde kwa ajili ya kutawala dunia de manière totalitaire kwa uongozi wake wa kushutisha. Alors ce matin, sasa asubuhi ya leo, je voudrais partager avec vous ningependa niongee pamoja nanyi sur quelques obstacles juu ya vizuizi fulani qui pourront empêcher certaines personnes ambavyo vinaweza kuwazuiza watu à être enlevés kunyakuliwa. Quelques cinq obstacles nitazungumzia vitisho tano à l'enlèvement kwa kunyakuliwa de certaines personnes kwa watu fulani sur la terre hapa duniani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et sans plus tarder, na bila kuchelewa, viens avec moi kuja pamoja nami dans ces cinq obstacles. Ndani ya vitisho hivi tano, et j'aimerais de tout mon cœur ningependa kwa moyo wangu communiquer wote, avec toi nitangaze pamoja nawe, parce que le Saint-Esprit sababu Roho Mtakatifu m'a mis sérieusement ces choses dans le cœur. Ameweka moyoni mwangu vitu hivi. C'est très important ni ya muhimu sana que tu comprennes ceci. Uelewe hii. Parce que sababu, en fait, qu'est-ce que ça sert inafaal nini à ton existence sur la terre kwako duniani, si tu finis en affaire kama unaishia sasa jehanamu. À quoi ça sert? Inafalia nini? Tu fais quoi sur la terre? Unafanya nini duniani? Il n'y a pas de plus grande folie, hakuna de plus grand mkubwa, malheur, hakuna ole kubwa, que finalement, kama kwa mwisho, tu es venu sur la terre, ulikuja duniani, et puis tu vas en affaire. Na kisa unaenda ndani ya moto. À quoi ça te sert? Ya kufalia nini? Le premier obstacle, kitisho cha kwanza, c'est le refus de se convertir, ni kukataa kuokoka, ou le rejet du salut, ama kutupilia wokovu, en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit. Ndani ya kitabu cha Yohana 3:16 imeandikwa. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Et ceci est une porte ouverte pour chaque être humain sur la terre. Quiconque. Quiconque. Et dans Jean chapitre 1 verset 12. Na ndani ya kitabu cha Yohana 1 mstari wa 12. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Imeandikwa kwa wote waliompokea. Et qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amewapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Qui sont nés non de la volonté de l'homme, la volonté de la chair. Waliozaliwa pale kwa mapenzi ya mwanadamu, ya damu na mwili, lakini na Mungu. Wote waliompokea. C'est donc possible. Ni kusema yawezekana. Et ceux qui ont Jésus. Walio na Yesu. Sérieusement. Kikweli kweli. Seront enlevés. Watanyakuliwa. Si tu rejettes ça, na ukikataa hii, tu seras pas enlevé. Hautanyakuliwa. Tu vas rester ici. Utabaki hapa. Tu vas vivre l'antéchrist. Utaishi mpinga Kristo. Tu vas vivre toutes ces choses que le diable est en train de bien confectionner. Utaona haya mambo yote ambayo shetani yuko na tayarisha vizuri. Je te préviens. Ninakuarifu. Le diable est efficace aussi. Shetani naye ana nguvu. Quand il opère. Wakati iko na tena. Surtout à l'absence de l'église. Ah, sana wakati kanisa haiko tena. Quelquefois. Mara nyingi. Le diable paraît inefficace. Shetani anaonekana kama hana nguvu. Parce que l'église est encore là. Sababu kanisa ingali hapa. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Mais dans les temps de grande tribulation, le diable sera efficace et il va démontrer de quoi il est capable. S'il était capable aujourd'hui, pendant que l'église est encore là, de commettre certaines atrocités, à plus forte raison. Quand ce sera le temps des ténèbres, je te conseille de donner ta vie au Seigneur. Mpe Yesu maisha yako. Partout où tu m'écoutes, mahali pote unaponisikiliza, même si tu vas m'écouter demain ou plus tard, hata kama utanisikiliza kesho ama baadaye, ne rate pas ça. Usikose hiyo. Donne ta vie au Seigneur. Mpe Bwana maisha yako. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder avec moi? Je unaweza kutazama pamoja nami. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4 à 9. Ndani ya kitabu cha Petro wa pili mbili ine hadi 9. Un texte triste. Inakuwa ni andiko la huzuni. Mais aussi véritable. Lakini la kweli. Et qui fait peur. Na ambayo inaogopesha. Alléluia. Amina. 2 Pierre. Petro wa pili. Chapitre 2. Sura mbili. Verset 4. Mstari wake wa 4. Regarde. Tazama pamoja nami. Ce que dit l'écriture. Ile ambayo maandiko inasema. Je lis pour toi. Ninakusomea. Car maana, si Dieu n'a pas épargné les anges, kama Mungu hawaku qui ont péché, waliotenda dhambi, mais s'il les a précipités na kama aliwashusha dans les abîmes des ténèbres, ndani ya ya giza, et il les réserve pour le jugement. Na anawatayarisha kwa ajili ya hukumu. Verset 5. Shaili la 5. Deuxième proposition. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, kama hakukosa kumudunia ya zamani, mais s'il a sauvé Noé, na kama alimuokoa Noa, lui, yeye. Huitième. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Six. S'il il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donna comme exemple aux impies à venir. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je donne Sodome et Gomorrhe comme exemple aux impies à venir. Et toi, tu as choisi le chemin des impies. Tu réfléchis et respires, égorger les gens. Tu respires, tuer, tu respires les choses. Écoute, sikiriza. Le même Dieu huyo huyo Mungu, qui était à Sodome et Gomorrhe, Gomorrhe en libérant le soufre et le feu, il est le même ce matin. Huyo huyo asubuhi et s'il a donné Gomorrhe et Sodome, na kama litoa Sodome comme na Gomorrhe, exemple aux impies à venir, kama vile mfano kwa waovu watakaokuja, il s'agit peut-être de toi. Sasa moja ni kwa ajili yako. Ce n'est pas fini. Verset 7. Shaili la saba. Et s'il a délivré le juste Lot, na kama alimokoa mwenye haki, profondément attristé de la conduite de ses hommes sans frein dans leur dissolution. Ambaye alikuwa na huzunika na watu hao ambao hawana mipaka ndani ya uovu wao. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Shaili la tisa. Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Bwana anajua kuokoa walio haki. Alléluia. Na kuwaweka walio waovu kwa ajili ya siku ya hukumu. Bien-aimé, il y a plein d'impies aujourd'hui. Wapendwa, kuna waovu wengi kwa siku za leo. Mais écoute le mystère. Lakini sikiliza siri. C'est que Dieu aime ces impies en même temps. As-tu déjà fait attention à Goma? Lorsque tu entres dans un bus, tu peux sentir l'atmosphère de la présence de combien de chrétiens dedans. Tu peux sentir qu'il y a combien de gens dans le bus lorsque tu entres dedans. Quand tu marches dans les avenues de Goma, unapotembea ndani ya mabarabara za Goma, est-ce que tu sens la présence de tes frères, des hommes et des femmes sauvés qui marchent dans la rue? Ya wandugu, wanaume na wanawake wanaotembea barabarani ambao wameokoka. Tu sens que combien sont sauvés? Unasikia kwamba wangapi ambao dans la ville de Goma, ndani ya mji wa Goma? Et donc combien vont être enlevés? Na nikusema wangapi ambao wataokolewa? Allons un peu plus loin. Tu m'écoutes peut-être ailleurs. Lorsque tu entres dans ton métro à Dubaï, tu sens qu'il y a combien de chrétiens dedans? Tu vas en Chine dans ton métro. À Paris, tu marches dans ton métro, c'est plein de gens. À New York, tu es dans le métro, tu es à Ottawa dans ton métro, tu sens la présence de combien de chrétiens? Tu sens que si la trompette sonne, combien vont monter? Et le Dieu na Mungu, qui n'a pas hésité ambaye hakusita, de noyer l'humanité dans les eaux du déluge, kuzamisha ulimwengu nzima ndani ya maji ya gharika, était en train de nous donner un exemple. Alikuwa kitupatia mfano. Nous qui viendrons plus tard. Sisi tutakaokuja baadaye. Lorsqu'il descend à Sodome, anaposhuka Sodoma, il était en train de donner des enseignements aux générations suivantes. Mafundisho kwa vizazi vitakavyokuja, akiwaambia, écoutez, sikiliza. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Nimeweka mbele yenu uzima na mauti. À vous de choisir. Ni kwenu kuchagua. Tu prends la vie. Je unachukua uzima. Tu seras épargné. Na wewe utawekwa pembeni. Tu choisis d'être impie. Unachagua kuwa mwovu. Sawa. Okay. On va se retrouver très bientôt. Tutakutanana hapa usoni. Au jour du jugement. Siku ya hukumu. Je te conseille, frère. Ninakushauri ndugu. Hâte-toi. Ujiharakishe. D'éviter. Kuepuka. Et de fuir cette situation. Na kukimbia hii hali. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et si tu es là où tu m'écoutes, mon frère, hâte-toi de te convertir sérieusement. Kikwele. Donne ta vie à Jésus. Mpe Yesu maisha yako. Sauve-toi de cette génération d'impies. Ondoka ndani ya kizazi hiki cha waovu. Sauve ta peau. Okoa mwili wako. Sauve ta vie. Okoa ngozi yako. Okoa maisha yako. Le jugement arrive. Maana hukumu inafika. Parce que bientôt, le Seigneur arrivera. Bwana tafika. L'enlèvement aura lieu. Kunyakuliwa itakuwa. Nous partirons. Na tutaenda. Nous partirons. Tutaenda. Le deuxième obstacle. Kitisho cha pili. Ce sont les conversions. Inakuwa ni okovu. De complaisance. Okovu tu za kujifurahisha. Conversion de complaisance. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Unaposoma kitabu cha Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi 13. C'est l'histoire des 10 vierges. Inakuwa ni historia ya mabikira 10. Il est écrit, Jésus dit, imandikwa le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Ufalme wa Mungu wafanana na mabikira 10. Munisikiliza vizuri, wa bikira 10. Elles sont vierges. Wao ni mabikira. De deux, ya pili, ces vierges, mabikira hawa, toutes les 10, wote 10, ayant pris leur lampe, walipochukua mataa zao, allèrent à la rencontre de l'époux. Wakaenda kukutana na bwana harusi. Verset 3 à 4. Shaili la tatu hadini. Les folles, wapumbafu, en prenant leur lampe, walipochukua mataa zao, ne prirent point d'huile. Hawakuchukua mafuta. Avec elles. Pamoja nao. Donc ils partent attendre l'époux avec des lampes sans carburant, sans pétrole. Ni kusema wanaenda kukutana bwana harusi pamoja na mataa. Vous attendez le Seigneur avec des réservoirs vides. Munamngoja bwana pamoja na akiba ambayo iko wazi. Vous allez allumer des lampes avec la mèche sans pétrole. Nyinyi mtawasha tu mataa pamoja na rutambi bila hata mafuta. Et les sages na wenye hekima prirent avec leur lampe wakachukua pamoja na de l'huile dans les vases. Mafuta ndani ya vikombe. Cinq sages, cinq folles. Wamoja wenye hekima, verset 6. Au milieu de la nuit. Shaili la sita. Usiku kati. Okria. Waka voici l'époux. Tazama bwana harusi. Hey. Et le cri a retenti dans toutes les oreilles. Na sauti kasikika ndani ya masikio yote. Ya wale mabikira 10 wote. Voici l'époux. Tazama bwana harusi. Allez à sa rencontre. Mwende kukutana naye. Au milieu de la nuit. Usiku kati. Quand il fait nuit, il faut allumer les lampes. Wakati ni usiku yaomba kuwasha taa. Verset 7. Shaili la saba. Toutes les vierges se réveillèrent. Mabikira wote et préparèrent leur lampe. Na wakatayarisha mataa zao. Ok. Sawa. L'époux est en train d'arriver. Bwana harusi konafika. Quelle est la préparation que vous faites ni matayarisho gani pour aller à sa rencontre, kwa ajili ya kwenda kukutana, pour aller l'accueillir, kwa ajili ya kwenda kumpokea. La préparation simple. Matayarisho rahisi. C'est d'allumer la lampe. Ni kuwasha taa. Et de sortir. Na kuondoka. Mais pour les folles. Lakini kwa wale wapumbafu. Les cinq vierges folles. Wale mabikira tano wapumbafu. Elles allument. Wanawasha. Y a pas de carburant. Lakini hamna mafuta ndani ya taa. Et elles s'approchent des autres. Na wanakaribia wengine. Elles dirent. Wanasema. Aidez-nous avec un peu de votre huile. Mutusaidia na mafuta yenu kidogo. Les sages dirent, ce n'est pas assez pour nous-mêmes. Aïta toshelea sisi. Allez chez les sisi commerçants, allez acheter. Mwende kwa wanao. Et les cinq folles sortirent pour aller acheter. Na wale mabikira tano aller acheter de l'huile. Kununua mafuta. Qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Je vais acheter de l'huile. Naenda kununua mafuta. Mais l'époux est déjà en train si bwana harusi d'arriver. Iko nafika hapa. Et les autres na wengine ont déjà allumé les lampes. Ta, et elles sortent pour accueillir na wako wanatoka kwa ajili ya kwenda kumpokea bwana harusi. Pendant qu'elles accueillent l'époux, wakati wanampokea bwana harusi, toi tu vas maintenant chercher les carburants. Wewe ndio wakati sasa wako kwenda kutafuta mafuta. Sir, nisikilize ndugu na dada. Ce phénomène tukio hili va arriver aussi au jour de l'enlèvement. Itafika pia wakati wa kunyakuliwa. Où certaines personnes, ambapo watu wa moja, qui ont connu ce genre de conversion de complaisance, ambao waliishi hii wokovu ya conversion de la forme, kuokoka tu ya nje, ils sont dans l'église, wako kanisani. Il faut partir d'une église locale. Wanakuwa ndani ya kanisa la mahali fulani. Mais ils sont là pour la forme. Lakini wako tu pale kwa ajili ya nje. Nous sommes chrétiens. Watu watazame sisi ni Wakristo. Nous faisons partie de l'église X. Sisi tunakuwa wanamembo wa kanisa fulani. Et puis paf, la trompette a sonné. Na kisha kwa ghafla baragumu inalia. Ils veulent se repentir rapidement. Wanapenda watubu haraka. L'église est déjà partie. Kanisa imeshanyakuliwa tayari. Ils veulent demander la plénitude du Saint-Esprit. Wanahitaji kuomba kujazwa na Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit va enlever, va partir avec nous. Sababu Roho Mtakatifu atenda pamoja nasi. Il est déjà parti. Ameshajienda. Allez acheter. Mwende mkanunulie. Allez prendre le carburant. Mwende mkachukue mafuta. Le carburant n'est plus. Mafuta haiko tena. Tu étais chrétien. Ulikuwa Mkristo. Oui. Ndio. Il est écrit dans ce texte. Imeandikwa ndani ya andiko hili. Quel revers. Elles sont revenues. Walirudi. Et pour dire. Na wakasema. Maître, nous sommes là. Bwana tuko hapa. Et il a répondu à l'intérieur. Nakajibu mondani. Je vous connais pas. Si wajui. Tu vas rater l'enlèvement. Utakosa kunyakuliwa. Tu vas essayer de te repentir ensuite. Utapima kutubu baadaye. Tu vas essayer de demander Dieu. Utapima kuomba de Mungu. T'aider. Akusaidie. Laisse-moi te conseiller. Acha nikushauri. On ne joue pas aux vierges folles. Ayombe uchezee ile mchezo. Arrête de jouer aux vierges folles. Acha kuchezea hii mchezo ya bikira mbavu. Acha. Lorsque tu vas essayer de devenir un bon chrétien. Wakati utapima kuwa mkristo wa mzuri. Après l'enlèvement. Kisha kunyakuliwa kwa kanisa. Pole sana. Ha, pole kwako. Pole. Désolé. Je te conseille. Ninakushauri. D'être un vrai chrétien aujourd'hui. Uwe mkristo wa kweli leo. Je pense que ces vierges folles avaient aussi de l'assurance qu'elles étaient intelligentes. Non, bon, je pense même qu'on pouvait leur dire, mais vos lames là n'ont pas de pétrole, non, on va arranger ça et c'est ça. Non, non, on va arranger ça, non, bon, ce n'est qu'une question de temps. Ça va. C'est une question de temps. Au milieu de la nuit, voici l'époux. Et il est écrit au son de la trompette, à la voix de l'archange, Jésus viendra et nous serons enlevés. Les morts Christ ressusciteront premièrement et nous serons enlevés pour nous retrouver avec lui dans les airs. Qu'est-ce que ça va être pour toi, mon frère? Comment ressemble ta chrétienté, ta conversion? Ça ressemble à quoi? Tu joues aux vierges folles? Je te conseille d'être sage à partir de ce matin, car il vient bientôt. Alléluia. Amen. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, mais aussi d'une vie chrétienne allumée, d'une vie chrétienne bouillante. Dieu dit à l'église de l'Odyssée, dans Apocalypse 3:16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, j'ai observé ceci dans la version française. Il est écrit, tu n'es ni froid ni bouillant. Baridi wala kutokota. Baridi ya wala wakutokota. S'il disait tu n'es ni chaud ni froid. Angesema hauko moto wa mabaridi. On dit chaud. Ok, je suis chaud. Mais ici on parle de bouillant. Lakini hapa unasema kutokota. Le christianisme bouillant, c'est ce qui est attendu, frère, sœur. Kristo wa kutokota ni hiyo ndio nayongojewa ndugu na dada. Tu dois être bouillant. Unapaswa kuwa wakutokota. C'est-à-dire allumé. Yamanisha unawaka. Et Jésus dit, na Yesu anasema, je vous vomirai de ma bouche. Ita watapika toka kinywa changu. Cette vie chrétienne, maisha ya kikristo, misérable, ambayo ni ya ovyo, irresponsable, ambayo haiheshimu jukumu zake, Vie chrétienne des inconscients. Maisha kikristo ya watu wasio na dhamiri. Que tu mènes. Ambao naishi. Est un obstacle majeur. Inakuwa ni kizuizi kubwa. Pour ton enlèvement. Kwa ajili ya kunyakuliwa kwako. Hallelujah. Amen. Tu as intérêt à sortir de cette manière de vivre. Una faida ya kutoka ndani ya namna hiyo ya kuishi. Et prends une décision ce matin. Uchukue uamuzi asubuhi ya leo. Vous savez, mes frères, unajua ndugu zangu, le christianisme froid, ukristo ulio baridi, ou tiède, ama usio moto ama baridi, est une grande opportunité pour le monde des ténèbres de marcher sur l'église. Inakuwa ni nafasi kubwa kwa ajili ya ulimwengu wa giza wa kutembelea juu ya kanisa. On pourrait même dire, tungepaswa hata kusema, c'est une grande opportunité pour le monde des ténèbres, inakuwa fursa kubwa kwa ulimwengu wa giza, de confiner l'église, wa kufunga kanisa, confiner l'église, kufungia kanisa. Les décisions étaient prises de nulle part. Maamuzi yalichukuliwa hatujui yanatokea wapi. Restez chez vous. Mubaki kwenu. Et les non-croyants, et les croyants, waamini wasioamini, wote. Restez chez vous. Mubaki nyumbani kwenu. Si l'église était devenue une église de la forme, kama kanisa ingekuwa kanisa tu ya kuonekana kwa nje, où il y a des baffles, ambapo kuna kuwa mabafu, des grands speakers, kuna kuwa kabisa maspika kubwa, il y a des pasteurs puissants, kuna wachungaji wenye uwezo, des pasteurs glorieux, wachungaji kabisa watukufu, et qui sont dans le bonheur, ambao wako ndani ya furaha, lorsqu'il faut face à ces foules, wakati wanakuwa mbele ya makutano haya watu. Aujourd'hui, leo, ils parlent des chaises vides. Wanaongea na viti ambavyo havina watu. Ils parlent devant leur chair. Wanaongea mbele ya madhabahu yao. Et les membres sont dans les maisons. Na wanamemba wako nyumbani kwao. Demandez-moi. Sasa mniulize. Combien de membres suivent? Wanamemba ngapi wanafuata? Online. Wanafuata kwenye mitandao. Vous aviez un rythme de vie chrétienne où tout tournait autour de la vie à l'église. Ulikuwa na maisha ya Kikristo ambao yote ilikuwa tunaishi kanisani. Sasa. Personne ne sait où vous êtes. Hakuna anayejua mahali ulipo. Vous êtes chez vous. Uko nyumbani kwako. Vous vivez la vie chrétienne. Unaishi maisha ya Kikristo. Vous êtes où? Uko wapi? La Bible déclare quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement. L'ennemi prend des décisions sur l'église. Pourtant, il est aussi possible que lorsque l'église est bouillante, lorsque l'église est vivante, l'église soumet le monde des ténèbres. L'église confine inafungia les pandémies, magonjo, les guerres, vita, les crises. L'église a pouvoir de confiner ya les situations mahali à condition qu'elle soit vivante. Kwa sorti kwamba iwe hai. L'église de chaque génération, kanisa ya kila kizazi, a responsabilité sur les êtres humains de son temps. On va reparler de cela demain soir, ne ratez pas ça. Nous allons clarifier cette réalité-là. Frères, sœurs, Apocalypse 3, 8 et 9, il est écrit, voici, parlant de l'église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et je vous montre comment l'église peut confiner le monde des ténèbres. Lorsque l'église est agréable à Dieu. Verset 9. Dieu dit à l'église de Philadelphie, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Wow. Tu peux acclamer le Seigneur. Lorsque l'église sera bouillante, l'église qui sera bouillante, l'église qui sera enlevée, Dieu Mungu prévoit anatayarisha même de l'autorité mamlaka sur la synagogue juu ya sinagogi de Satan ya shetani. Dans ta génération, ndani ya kizazi chako, avant même que soit arrivé l'enlèvement, mbele hata kunyakuliwa kuifike, si ton église kama kanisa yako est bouillante, inakuwa inatokota, elle va soumettre itatiisha les circonstances adverses. Majira elle va soumettre kupinga, le monde des ténèbres. Ulimwengu wa giza, elle va soumettre itatiisha les choses qui arrivent vitu vinavyofika dans ta ville, ndani ya mji wako, les principautés, les pouvoirs, Ephésiens 3, 10, uwezo, Efeso 3, les autorités, connaîtront par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il promet à l'église, bien-aimée, l'église de Philadelphie. La Philadelphie. Il dit, anasema, tu as peu de puissance, una uwezo mdogo, mais tu as persévéré dans ma parole. Neno langu. En conséquence, matokeo sasa, je vais te donner ceux de la synagogue de Satan. Wale wa synagogue ya shetani. Et il dit, ces gens-là, nanasema watu hao, ils viendront watakuja, et ils vont se prosterner à tes pieds. Na watapiga magoti mbele ya et ils vont yako reconnaître na watatambua que je t'ai aimé. Ya kwamba nilikupenda. Alléluia. Amina. Et puis, na kisha, verset 10, shaili la kumi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, sababu umechunga neno je la te garderai aussi, moi le Seigneur, nami nitakuchunga je mimi te garderai pia, aussi à l'heure de la tentation qui va venir wakati sur le monde entier kwa wakati wa majaribu pour éprouver les habitants de la terre. Je veux te garder wa jaribu wanadamu wa dunia. La tentation va venir sur la terre, majaribu itakuja juu ya dunia, le gouvernement mondial, serikali ya dunia, et tout ce que vous apprenez yote munayo jifunza sur toute la terre juu ya dunia nzima. Mais si tu es bouillant, lakini kama wewe ni wa kutokota, si tu es un chrétien, kama wewe ni mkristo, qui évite ambaye anaepuka d'être complaisant, anaepuka kuwa na maisha ya kikristo ya ovyo ovyo, d'être la vierge folle, ambaye anaepuka kuwa bikira ambaye ni mpumbafu, Jésus-Christ dit, Yesu Christo anasema, il va te mettre à l'abri, atakuweka kando, c'est-à-dire il va t'enlever, yamaanisha atakunyakua, et tu vas partir aussi. Na utaenda na. Troisième obstacle à l'enlèvement, kitisho cha tatu kwa kunyakuliwa, le syncrétisme. Inakuwa ni maisha ya mchanganyiko. J'ai longuement parlé de cela. Nimezungumza hii sana. C'est la caractéristique, ni tabia prépondérant de l'époque de l'église Laodicée. Ambao inaonekana ndani ya kanisa la Laodikia. Et c'est l'église que nous vivons aujourd'hui, nous sommes à Laodicée. Kanisa tunaishi leo tuko kwa Laodikia. Elle consiste en ceci. Inahusu hii. L'église Laodicée. Kanisa la Laodikia. Vous adoptez Dieu. Unamkubali Mungu. Vous adoptez d'inviter Dieu dans votre vie. Unakubali kumwalika Mungu maishani mwako. Et vous adoptez de conserver Satan dans votre vie. Na unakubali kulinda shetani maishani mwako. Dieu, viens avec moi. Mungu kuja pamoja nami. Satan, viens avec moi en même temps. Shetani nawe kuja pamoja nami kwa wakati huo huo. Et écoutez frères et sœurs. Unisikilize ndugu na dada. Vous voulez ce que Dieu offre. Et vous voulez ce que Satan offre. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Mais quel est le problème de cette église Laodicée? Verset 16, Apocalypse 3. Parce que tu n'es ni froid. Parce que tu dis, verset 17, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Et Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Qu'est-ce qui fait que tu sois bouillant? Ni inafanya kwamba uwe wa kutokota? Que tu sois plutôt froid? Ama nini inafanya kwamba uwe baridi? Ou tiède? ama usiwe moto wa mabaridi. C'est que tu penses que tu es riche. Ni kwamba wewe unafikiri wewe ni tajiri. Et que tu t'es enrichi. Na kwamba umejitajirisha. Tu as l'impression. Na unafikiria. Que c'est ta force, etc. Ya kwamba ni nguvu zako kadhalika. Qui t'a rendu riche. Ambao umekufanya wewe kuwa tajiri. Ça va. Sawa. Mais Dieu te dit. Lakini Mungu anakuambia. Tu es malheureux. Wewe ni waole. Misérable. Wewe ni wakuteseka. Pauvre. Wewe ni maskini. Aveugle. Wewe ni kipofu. Et nu. Na uchi. Viens acheter chez moi. Kuja nunua kwangu. De l'or éprouvé. Zahabu ambayo umeweza kupima. De l'or éprouvé. Zahabu iliyopimwa. Et comment tu t'enrichis? Na namna gani unajitajirisha? Les uns se sont enrichis correctement. Wamoja wamejitajirisha vizuri. Et très souvent. Na mara nyingi. Ceux qui se sont enrichis correctement. Waliojitajirisha vizuri. Ils restent du côté de Dieu. Wanabaki kwa ngambo ya Mungu. Mais toi comment tu t'enrichis? Lakini wewe namna gani unajitajirisha? Tu veux t'enrichir coûte que coûte. Unahitaji ujitajirishe haijalishi nini? À tous les prix. Kwa bei yote. Satanique. Aiwe ya kishetani, détournement, kuipa, corruption, rushwa, tuerie, mawaji, les visibles et les invisibles, vinavyoonekana na avec la Bible sur la table de ton bureau. Ukiwa na Biblia kwenye meza ya ofisi et yako. Une autre Bible au chevet de ton lit. Na ingine Biblia inakuwa kwenye kichwa kitanda chako. Et tu dis, je suis riche, mimi ni tajiri. Mais Satan, lakini shetani, ne me quitte pas. Hakutoke. Reste avec moi. Shetani usinitoke ubaki pamoja nami. Mungu. Aide-moi. Unisaidie. À réussir. Ni faulu. Ça ressemble. Inafanana. À des lampes. Kama vile taa. Sans huile. Ambayo haina mafuta. Je te vomirai. Nitakutapika. De ma bouche. Toka kinywa changu. Quatrième obstacle. Kitisho cha ine. J'appelle cela. Ninaiita. L'attachement maladif. Kuambatana ya kigonjo. Au monde. Kwa dunia. Il y a des hommes et des femmes. Kuna wanaume na wanawake. Qui ressemble à une vie où ils sont maladivement attachés au monde. Ambao wanakuwa na maisha kama vile wanagonjwa na wanambatana na dunia. Se libérer, se dégager du monde. Kujiachilia toka dunia. Ça leur paraît impossible. Inaonekana kama haiwezekani. Le monde est principal dans leur entendement et dans leur cœur. Dunia inakuwa kabisa kidini ndani ya kusikia kwa wanadamu. Les choses de la terre. Ndani ya maisha yao, mambo ya dunia. Sont principales. Yanakuwa mambo ya muhimu kwao. Dans leur esprit, on pourrait dire à 98%. Ndani ya roho yao inaweza kuwa 98%. De leur cœur à 98%. Inakuwa moni mwao kwa nafasi ya 98%. C'est le monde qui dirige leur vie. Na inakuwa ni dunia ndio inaongoza maisha yao. Mais ils s'appellent en même temps chrétiens. Na wanajiita kuwa wa Kristo kwa wakati huo huo. Tu as même envie que l'église unahitaji hata kanisa s'aligne, se conforme ifanane à tes considérations na jinsi wewe unafikiri la vie. Kidunia juu ya maisha. Dans 2 Timothée 3, 1 à 3, il est écrit. Dans Timothée, sache que dans les derniers jours, moja hadi tatu inaandikwa. C'est-à-dire la Odyssée. Ujue ya kwamba ndani ya siku za mwisho. Les derniers jours, la Odyssée. Ujue ya kwamba kwa siku za mwisho, la Odyssée. Nous vivons la Odyssée. Tunaishi la Odyssée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ujue ya kwamba kwa siku za mwisho kutakuwa wakati mgumu. Regardez la description. Tazama jinsi wanasema. Et si tu te retrouves dans une des descriptions, na kama unajikuta c'est ndani ya moja wapo ya vitu hivi, ni kusema ujumbe huu kwa ajili yako asubuhi ya leo. Sérieuse et définitive. Chukua uamuzi wa kweli. Car les hommes seront égoïstes. Maana watu amis de l'argent, fafaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, Laodicée. Ils ont la forme extérieure du christianisme. Ils ont l'apparence d'être des chrétiens. Mais ils renient ce qui en font la force. Et l'apôtre dit, éloigne-toi de ces gens-là. Comment fonctionnent ces gens? Namna gani watu hawa wanatumika? On ne va obéir à Dieu que lorsqu'on aura fini à obéir et à faire respecter tous ses propres désirs. Utamti Mungu wakati utamaliza kutosheleza nasa zako zote. Pourquoi tu n'obéis pas à Dieu? Sababu gani wewe humti Mungu? Non, je dois d'abord finir de satisfaire à tous mes désirs. Apana napasha kumaliza kwanza kutosheleza anasa zangu zote, shabaha zangu, maono yangu yote, anasa zangu zote. Les choses de la terre. Unatamani kumaliza na vitu vya dunia. Tu sais pas ton passé. Hauwezi kuviacha. Et même quand tu écoutes la parole, na hata kama unaposikiliza neno, ça te paraît impossible. Inaonekana kama haiwezekani. C'est impossible. Haiwezekani. Un attachement maladive. Unaambatana kama mgonjwa. Aux choses de la terre. Na vitu vya dunia. Je te conseille, frère. Na kushauri ndugu. Les choses de la terre vont passer. Vitu vya dunia vitapita. Écoute ce que dit le Seigneur. Sikiliza sema anayosema Bwana. Après le règne de mille ans. Kisha utawala wa miaka elfu. Dieu va ramasser la terre. Mungu ataogota dunia na mbingu. Comme une étoffe. Na atavigunja kama vile mrago. Il va jeter ça. Na kisha atavitupa. Je méditais sur cela et j'ai compris ceci. Nilikuwa nikitafakari juu ya hili na nikaelewa hili. Dieu nous aime tellement. Mungu anatupenda sana. Et qu'il a vu pendant des siècles cette terre souillée, bêtise. Naliona tangu zamani dunia ambayo inachafuka ni mazara. Au renouvellement de toutes choses. Kwa quand il aura fini avec ces générations ici. Atakapomaliza na hiki kizazi hiki. Dieu a décidé. Mungu aliamua. De créer. Kuumba. Une nouvelle terre. Dunia mpya. Et de nouveaux cieux. Na mbingu mpya. Tu t'attaches à celle-ci? Unambatana na hii. Dieu va trouver inadapté de conserver cette terre. Mungu ataona kwamba haifai kabisa kulinda hii dunia. Pour ses bien-aimés. Kwa ajili ya wapendwa wake. Dieu s'est dit j'ai des bien-aimés. Mungu anasema niko na wapendwa wangu. Des hommes et des femmes. Wanaume na wanawake. Qui m'ont servi correctement. Ambao walinitumikia vizuri. Qui se sont convertis réellement. Ambao waliokoka kikweli kweli. Et que j'ai pris par l'enlèvement. Na ambao nimewachukua kupitia kunyakuliwa. Et d'autres qui vont s'ajouter Israël. Na wengine watakaongezeka. Israël atakapotubu. Les grandes tribulations. Wakati wa mateso makubwa. Et si tu sauras. Na kama utajua. Tenir ferme. Kushikilia. Ayant été folle. Vierge, et si tu sauras tenir ferme, tenir ta foi pour traverser les temps de grandes tribulations, tu sauras, utajua, si tu sauras, kama utaweza, Dieu Mungu va préparer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Je ne sais pas si cette nouvelle terre, il y aura des diamants ou il y aura une nouvelle forme de matière précieuse. Sijui kama kwa ile dunia mpya kutakuwa tu alimasi kama hii ama kutakuwa madini mpya. Pourquoi nous campons sur cette terre là ici? Sababu gani tunakuwa tukibaki tukipenda sana hapa hii dunia na kuteseka ndani? On construit des maisons. Tunajenga manyumba. Est-ce que c'est mauvais? Je ne vis pas. Mais comment est ton cœur par rapport à ces choses? Est-ce que tu es détaché de ces choses? Ces choses peuvent t'empêcher d'être enlevé. Hallelujah. Amen. Et ces gens qui sont attachés maladivement à cette terre, na watu hawa ambao wanaambatana kama wagonjwa kwa dunia hii, ils essayent de tout faire, wanapima kufanya et de yote, tout achever, na kumaliza yote, pour satisfaire leur désir, kwa ajili ya kutosheleza anasa zao. Ensuite, baadaye, on verra si on peut calmer Dieu, tutaona kama tunaweza kumnyamazisha Mungu, par une petite obéissance quelque part, kupitia utiivu kidogo, na kisha wanajisemesha. J'ai quand même obéi à quelque chose aujourd'hui. Si nimetii kwa kitu fulani leo. Tu essaies de calmer Dieu. Uko napima kumnyamazisha Mungu. Je te conseille. Inakushauri. De fuir ce comportement là. Kukimbia hiyo tabia. Ce monde passera. Hii dunia itapita. Et il est en train de passer. Na iko napita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Cinquième obstacle. Kitisho cha tano. Le système de ce monde. Inakuwa ni uongozi wa dunia hii. Lorsque vous conformez au système de ce monde. Wakati unafanana na uongozi ama utawala wa dunia hii. Risque de rater l'enlèvement. Unaweza kosa kunyakuliwa. Dans Jean 17:16 il est écrit. Ndani ya Yohana 17. Jésus dit au Père, ils sont dans le monde. Baba. Ils ne sont pas dans le monde. Anasema wako ndani ya dunia lakini moi, je ne suis pas du hawako wa dunia kama vile mimi si wa dunia. Frères, ndugu na dada, nous sommes pas de ce monde. Hatuko wa dunia hii. En conclusion, kwa kumalizia, frères, ndugu na dada, donne ta vie au Seigneur. Mpatie Bwana maisha yako. L'enlèvement est proche. Kunyakuliwa ni karibu. Dans Romains chapitre 13. Ndani ya Warumi 13. Verset 11 à 14. Mstari wake wa 11 hadi 14. Je me réjouis que tu te lèves là où tu te trouves. Ningependa usimame mahali ulipo. Et nous lisons ensemble ce texte. Na tunasoma pamoja andiko hili. Même si tu es seul, lève-toi. Hata kama wewe ni mwenyewe simama. Et lis avec moi ce texte. Na usome pamoja nami andiko hili. Verset 11. Cela importe. Hii ni ya muhimu. D'autant plus que vous savez sababu mnajua à quel temps nous sommes. Tuko kwa wakati gani. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Wakati wa kuamka sasa toka usingizi. Car maintenant, maana kwa sasa, le salut est plus près de nous wokovu ni karibu que lorsque sana nous kwetu, avons cru. Kuliko wakati tulipoamini. La nuit est avancée. Usiku umeendelea. Le jour approche. Mchana wakaribia. Depuyons-nous donc des œuvres des ténèbres toka matendo ya giza, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme à minifu, plein jour kama vile kwa loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, ya ulafi, de l'impudicité, ulevi, des querelles, uzinifu, des jalousies. Mabishano mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair na pour en satisfaire les convoitises. Commence à prier là où tu te trouves. J'aimerais te conseiller de donner ta vie au Seigneur. Là où tu te trouves, mahali ulipo, tu peux me suivre dans cette prière. Unaweza kunifuata ndani ya maombi haya. Et toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, tu peux commencer à parler au Seigneur et demander à Dieu de t'aider à ne pas rater l'enlèvement. Et si tu constates qu'il y a tiédeur, tu n'es pas bouillant dans ta marche avec Dieu, si tu constates que tu es dans le syncrétisme, tu portes des hirizi, tu respectes les lois, unaheshimu sheria za mila yako. Repens-toi. Tubu. Débarrasse-toi. Achana navyo. Débarrasse-toi. Achana navyo. De ces choses, de ces attachements de ce monde. Achana na vitu vya dunia hii. Le diable a assiégé ton cœur. Shetani ameketi ndani ya moyo wako. Il essaie de te tromper. Na iko na pima kukudanganya. A te rassurer que ce n'est pas grave. Akikuhakikishia kwamba si hatari. Et tu es resté fidèle à l'ennemi. Reviens à Jésus. Repends-toi, parle au Seigneur. Utubu na ongea na Bwana. Parle au Seigneur. Ongea na Bwana. Et toi qui veux recevoir Jésus, suis-moi dans cette prière. Unifuate ndani ya maombi. Dis Seigneur Jésus, useme Bwana Yesu. Ce matin, asubuhi ya leo, je te donne ma vie. Ninakupa maisha yangu. Définitivement. Yote. Totalement. Yote. Et de tout mon cœur. Na kwa moyo wangu wote. Prends ma vie ce matin. Chukua maisha yangu asubuhi. Je veux te suivre. Nahitaji nikufuate. Je veux pas rater l'enlèvement. Sipendi nikose kunyakuliwa. Je veux être de ceux nahitaji qui vont entendre le son de la trompette. Mmoja wa wale watakaosikia sauti ya baragumu. Mon Dieu, Mungu wangu, pardonne-moi. Unisamehe. Et sauve-moi na uniokoe asubuhi ya leo. Merci Jésus. Asante Yesu. De me sauver. Kuniokoa. Tu as déjà tout accompli à la croix. Umesha kutimiza yote msalabani. Prends ma vie. Chukua maisha yangu. Et va avec moi dans tous les restes de mes jours. Et toi qui veux te repentir, prie avec moi. Dis Seigneur, je me repens de la tiédeur, de la complaisance, du syncrétisme, de l'attachement au monde. Je te donne ma vie totalement. Mon Dieu, je me réveille enfin du sommeil. Je me réveille du sommeil. Je te promets qu'avant que tu reviennes, je vais être bouillant. Je vais être vivant. Je vais être vivant jusqu'à ce que tu reviennes. Mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère. Aide-les à pouvoir avancer avec toi. Arrose ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. nous invitons le pasteur. Nous voulons donner nos offrandes. Tunatamani kutoa sadaka zetu. Au Seigneur. Kwa Bwana. Là où tu te trouves, prends ton offrande. Mahali ulipochukua sadaka yako. Nous allons donner ça à Dieu. Tutaimpatia Mungu. C'est un signe d'adoration. Inakuwa ni alama ya maabudu. Seigneur, prends notre offrande. Bwana chukua sadaka yetu. C'est de tout notre cœur. Ni kwa moyo wetu wote. Que nous te le remettons. Tunaikutolea. Accepte notre offrande. Kubali sadaka yetu. Avec joie, pamoja na furaha, nous le donnons, Seigneur. Tunaipa na Bwana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Qui les préparés de l'Éternel disent Amen et acclame bien l'Éternel. Wanaojitayarisha kukutana na Bwana wanashangilia vizuri Bwana. Pour cette merveilleuse parole. Kwa ajili ya neno nzuri hii. Qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. Ambayo inatutayarisha kukutana na Bwana. Soyez béni, Papa Révérend Stone. Barikiwe Papa Révérend Stone. Alors nous vous informons aussi que vous pouvez nous faire parvenir votre offrande par M-Pesa et Airtel Money. Tunawaambia kwamba mnaweza kutufikishia sadaka zenu kupitia M-Pesa na Airtel Money. Au numéro suivant. Kwa namba zifuatazo. Pour le M-Pesa c'est le 0800 085 62. Kwa ajili ya Mpesa ni 085 562. Et Airtel Money c'est le 0 97 54 14 000. Kwa ajili ya Airtel Money na kuwa ni 0975 41 403. Offrir à Dieu c'est une éducation. Kumtolea Mungu inakuwa ni maadhibisho. Et c'est une culture. Na inakuwa ni tabia. Nombreux sont contents de n'avoir pas préparé à offrir à notre Dieu. Wamoja wanafurahi kutokuwa wametayarisha kitu kwa kumtolea Mungu. Et c'est dit c'est un beau débarras. Na wanasema mbo. Ndajitosha hivi. Nous avons deux actions de grâce. Tunakuwa na shukrani mbili. Il y a naissance des garçons dans la famille de notre frère Dr Simplice. Kuna kijana ambaye amezaliwa ndani ya jamaa ya Dr Simplice. Et un garçon dans la famille du couple Adonis et Riziki. Na kijana mwingine ndani ya ndoa ya Adonis na Riziki. La semaine reste ordinaire. Les lundis nous serons. Alors, on nous informe aussi qu'il y a une autre naissance dans la famille de Joël Profeta. Na kuna mtoto mwingine ambaye amezaliwa ndani ya jamaa ya Joël Profeta. Nous disions que la semaine reste ordinaire. Tulisema kwamba wiki itakuwa kawaida tena. Nous allons suivre nos cultes en ligne. Tutafuata ibada zetu kwenye mitandao. Les lundis. Siku ya kwanza. Tous, on sera en famille, on regroupe en famille à partir de 19h30 jusqu'à 20h30. Sote tutakuwa ndani ya majamaa zetu kuanzia saa 1:30 jioni hadi saa 2:30. Et nous continuerons nous-mêmes pendant 30 minutes en famille. Na tutaendelesha maombi kwa dakika 30 ndani ya majamaa zetu. Et le vendredi est réservé à l'intercession et louange en famille. Na siku ya 5 inatarishwa kwa ajili ya maombezi, sifa na mabudu ndani ya jamaa. 19h30 à 20h30. Moja unusu jioni hadi saa 2:30. Et le dimanche comme aujourd'hui. Na siku ya Jumapili kama leo. Nous suivons les cultes en famille. Tunafuata ibada ndani ya jamaa. Et dans les différents réseaux sociaux. Kwenye mitandao fulani. De 8h à 9h30. Kwenye mitandao tofauti kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 3:30. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche. Mungu atubariki na Jumapili njema kwa wote.